Bien-aimés, j'aimerais ce matin que nous essayions de réaliser ensemble que la sagesse de l'Évangile est incontestablement la plus grande qui puisse jamais se trouver sur la terre. La sagesse de l'Évangile, nous le savons, ce sont la parole, les actes, la personne tout entière de Jésus-Christ, notre Seigneur. Or, Jésus-Christ, vous le savez aussi, n'est pas seulement un homme doué d'une sagesse immense. Jésus-Christ n'est pas seulement un de ces êtres dont on dit, qu'on dit, vous savez, éveillé. C'est très à la mode, ça, les êtres éveillés. Non, Jésus est bien plus que ça. Il n'est pas seulement illuminé. Jésus est Dieu lui-même. Ce qui veut dire que la sagesse de l'Évangile, qui est la sagesse de Jésus-Christ, est directement et sans aucun artifice, sans aucune corruption, sans aucun intermédiaire, la sagesse divine. La sagesse divine elle-même, la créatrice de l'univers, vous savez. Alors, quand nous avons compris cela, frères et sœurs, nous réalisons que pour percer le mystère de l'existence, pour percer le mystère de la connaissance, pour percer le mystère du bonheur absolu, de la joie parfaite, de la sérénité, de la paix profonde, bref, tout ce que vous voudrez. Eh bien, il nous faut et il nous suffit de contempler, de nous laisser séduire, d'écouter, de nous laisser inspirer par cet homme qui nous dit tout, absolument tout, et qui, par sa simple présence dans sa parole, à nos côtés, si nous y sommes attentifs, peut nous conduire dans la vérité tout entière. Frères et sœurs, c'est merveilleux. Nous avons toute la sagesse divine qui nous est donnée sur un plateau d'argent. Regardez-le. C'est Jésus, la sagesse éternelle. Alors, c'est ce que nous sommes venus faire ce matin. En entrant dans cette église pour écouter le Saint-Évangile, nous nous sommes rendus en pensée à Jérusalem, vous avez entendu la deuxième lecture. Nous ne sommes pas venus regarder une montagne fumante ou des choses mystiques complètement qui nous échapperaient complètement. Non, nous sommes venus à Jérusalem, vers la cité du Dieu vivant, rencontrer Jésus. Nous sommes un jour de sabbat et nous sommes à côté de lui. Il vient d'entrer chez un notable de tradition pharisienne comme lui-même. Il est invité pour le repas avec un certain nombre d'autres personnes importantes, pharisiens, docteurs de la loi. Or, à peine est-il entré qu'il remarque devant lui, et ça n'est pas dans le texte que nous avons lu, mais c'est dans l'Évangile. Devant lui, il remarque un homme dont le ventre rebondit, indique, non pas qu'il est gourmand, mais le pauvre, qu'il est atteint d'hydropisie. Maladie incurable, et on sait qu'elle conduit généralement à un œdème généralisé qui provoque la mort. Or Jésus sait à cet instant que la volonté du Père Céleste est de guérir ostensiblement et immédiatement cet homme devant tout le monde. Mais il sait aussi que tous les convives ont les yeux rivés sur lui pour voir justement s'il osera poser un acte qui pourrait être contraire au sabbat. Mais vous voyez, la sagesse divine n'est pas à court d'idées pour déconcerter les orgueilleux. Jésus demande donc simplement, est-il permis, le jour du sabbat, de guérir, oui ou non ? Pas de réponse, naturellement. Posant la main sur le ventre du malade, qui reprend instantanément et devant les yeux ébahis des légistes sa forme normale, Jésus guérit instantanément l'œdème incurable. Un murmure se répand dans la pièce et toute la maison. La sagesse divine a parlé, la sagesse du Christ a agi. Que répondre à l'autorité, à la puissance que nous avons lue ce matin ? Que nous avons vu. Il est tellement important de comprendre ce qui se joue maintenant. Jésus s'avance dans la grande salle où se tient le banquet. Plusieurs dizaines de convives sont là. Les places d'honneur, richement ornées, sont réservées aux riches propriétaires des lieux et à quelques invités de marque. Autour de ces places, on se presse, on s'agite, on se flatte, on parle fort, on rit aux éclats pour se faire entendre, pour se faire remarquer, pour montrer son aisance auprès des riches et des puissants de Jérusalem. On indique à Jésus sa place aux côtés du Maître. Jésus a la meilleure place. Au milieu du gratin, il est l'attraction du jour. Celui pour qui tout le monde est venu, pour le voir, pour l'entendre, mais surtout, surtout pour tenter de le piéger, de le perdre, de le faire tomber. Jésus est donc bien installé au fond de la gueule du loup, et il le sait pertinemment. Les sourires et les courbettes qu'on fait autour de lui empestent l'hypocrisie et l'orgueil. Ah, frères et sœurs, que le spectacle des mondanités peut être abject. Le besoin de paraître fait décidément ressortir les instincts les plus bas de l'homme. Que n'est-il pas prêt à sacrifier ce pauvre homme à sa conscience pour briller en société, pour être admiré, pour être désiré, pour être convoité, pour être du côté du manche. Mais pourquoi donc? Qu'est-ce qui pousse l'homme à se ridiculiser en voulant paraître grand aux yeux de ses congénères? Regardez, certains vont parfois jusqu'à s'endetter lourdement, se mettre en danger gravement pour avoir, je ne sais pas, la plus belle maison, la plus belle voiture, la plus belle montre, la plus belle robe, les plus beaux bijoux, pour paraître, pour susciter l'envie, pour espérer s'approcher des grands, du pouvoir, des cieux. Mais pourquoi donc? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, frères et sœurs, c'est que ces attitudes, en réalité, sont le signe d'un mal bien plus grand. Ce mal, c'est le fait de douter de sa propre valeur aux yeux de Dieu. Frères et sœurs, si nous savions ce que nous valons aux yeux du Seigneur, si seulement nous pouvions connaître, ne serait-ce qu'un tout petit peu, l'exclusivité de la puissance de son amour pour chacun de nous, que ces mondanités nous paraîtraient insignifiantes. Combien le regard des autres nous serait totalement égal, si seulement nous pouvions connaître un tout petit peu de cet amour. Nous doutons trop de l'amour de Dieu, frères et sœurs. Nous pensons qu'il nous regarde à la manière humaine et que nos défauts, nos pauvretés, nos faiblesses, nos imperfections, nos péchés même, peuvent altérer cet amour et la confiance qu'il place en nous. C'est tout le contraire. L'amour de Dieu, voyez-vous, c'est comme l'amour d'une mère. Il est indestructible et il s'accroît à mesure que nous sommes faibles et vulnérables. Regardez comme une mère aime son enfant, comme elle le chérit, comme elle le choye lorsqu'il est tout petit, lorsqu'il est malade. Ce que Dieu n'aime pas, en revanche, c'est que nous doutions de cet amour et que nous cherchions à combler notre besoin d'être aimé dans le regard des hommes et du monde. Jésus, quant à lui, nous voyant nous ruer sur les meilleures places du banquet, va encore une fois répandre sa sagesse pour confondre notre orgueil et nous donner le remède. D'abord, il nous rappelle que le jeu auquel nous jouons, en essayant de nous placer, est dangereux et qu'il peut vite tourner à notre honte, à notre désespoir même. Si tu as choisi la meilleure place, mais qu'un plus grand que toi arrive, on te demandera de la lui céder et tu iras, rouge comme une pivoine ou comme un poivron, comme vous voulez, t'asseoir à la place que tu mérites, la dernière qui reste, au fond, un petit strapontin. De là, tu pourras méditer sur ton orgueil. Pour éviter cette humiliation douloureuse, au contraire, entraîne-toi, mon ami, à prendre spontanément la dernière place, à prendre librement la dernière place. De là, tu seras en paix, tu seras loin des regards envieux, mais tu seras sous le regard de ton Dieu qui aime à te voir à ta place. Lorsqu'on a choisi, frères et sœurs, librement et volontairement, c'est un acte volonté. Lorsqu'on a choisi librement et volontairement l'humilité de la dernière place, on est en paix. On est à l'abri du danger de l'humiliation involontaire. On est à la place favorite de Dieu. C'est donc en réalité la dernière place qui est la meilleure place. Jésus s'adresse ensuite à l'orgueilleux notable qu'il a si gentiment invité à ce repas pour lui tendre un piège. Que c'est gentil. Quelle erreur as-tu fait, mon pauvre ? Tu as voulu m'humilier, mais on ne peut pas humilier l'humilité. Jésus est l'humilité même. On ne peut pas l'humilier. En revanche, je vais démasquer ta vanité aux yeux de tous. Vois-tu, tous ceux que tu as invités aujourd'hui, c'est par intérêt que tu l'as fait. Parce qu'ils font partie de ton cercle, parce qu'ils pourront te rendre l'appareil. En réalité, je le dis devant tout le monde, tu ne les aimes pas. Ce que tu aimes chez eux, c'est leur rang et leur portefeuille. Et avec tout ça, avec toutes ces pensées qui sont dans ton cœur, tu te tiens prêt à me rappeler à moi, Jésus. La loi du jour du sabbat. Cette loi, mon pauvre ami, tu n'en connais rien, mais puisque tu m'as invité, je vais te l'expliquer. Si tu veux organiser un banquet pour satisfaire ta générosité, ta bonté, imite donc ton Dieu. Invite d'abord tous ceux qui ne pourront rien te donner en retour. Va chercher les pauvres, va chercher les estropiés, va chercher les petits vieux qui ne peuvent plus sortir de chez eux. Va chercher les boiteux, les aveugles. Et là, tu accompliras la loi. Parce qu'alors tu seras certain que ton acte est totalement gratuit, qu'il ne pourra donc procéder que de l'amour véritable. Si tu fais ainsi, je te le dis, la véritable joie des enfants de Dieu, la joie de ceux qui aiment humblement et qui vient avec la paix et avec le bonheur éternel, la joie de ceux qui restent à leur place, simplement à leur place, celle où Dieu se plaît à les trouver pour les satisfaire et les faire entrer dans le royaume des cieux, cette joie tu l'auras. Frères et sœurs, rendons grâce au Seigneur pour sa sagesse. Sagesse si simple que nous connaissons tous, mais que nous avons besoin d'entendre de sa bouche pour qu'elle vienne bouleverser nos vies et nous remette à notre place. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.